Et naam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de trouver ça, ça nous permet de savoir quoi? Savoir si c'est un fial. Un fial ou un faal? Un fial. Qui en fait se considère. C'est un faal. Un faal, ouais. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, ça demandera quoi? Un sujet féminin. Le fomala, barakallahu fik. Exemple, Akta Tahanit. Qui est Dahabat? Tu viens vers moi, tu me dis Dahabat. Moi, je ne peux pas savoir c'est qui. Dahabat, Zainabu, Aminatou, il a le masjid. Le fomala? Très bien, barakallahu fik. Et si toi, tu nous informes, c'est parti, tu diras Dahabtou. Si toi, tu parles de moi, à moi, c'est-à-dire Anta Dahabta. Si tu dis, attends, si c'est nous tous qui sommes partis, on dira Nahnu Dahabna. Si tu dis à un groupe de frères, tu leur parles à eux, tu diras Antum Dahabtou. Si c'est un groupe de sœurs, voilà, Antunna après quoi? Antunna Dahabtunna. Si c'est un groupe de sœurs qui sont partis, elles l'informent. Non, elle-même, elle parle. Elle-même, elle parle. C'est-à-dire, là, les sœurs, elles disent Antunna, Zabtunna. Je répète, n'a pas de mal, Allah, avec lui. Par exemple, moi, je vous dis quoi? Nahnu Dahabna. Voyez, nous, nous sommes partis. La même phrase pour des sœurs. Hein? La même chose. Je peux dire quoi? Les groupes de sœurs disent Nahnu Dahabna. Très bien. Si c'est une sœur qui dit qu'elle est pas, elle est partie. Anna Zahabtou, très bien. Qu'est-ce qui nous manque? Un frère qui est parti. Tu nous informes d'un frère qui est parti? Dahaba. Très bien. Zaidoun Dahaba. Si c'est une sœur qui est partie? Ya Zahabat. Si c'est. Tu parles à deux frères qui sont face à toi, tu diras Antouma? Dahaba. Ah, Antouma, Antouma. Antouma Zahabtouma, très bien. Barakallahu fik. Si tu informes sur deux frères? Huma Zahaba. Si tu dis à deux sœurs. Deux sœurs, deux. Tu parles à elles, elles sont face à toi. Antouma. Salam. Le frère Kamel, il a bien répondu. Il parle à moi et à Mohamed. Il dit Hal Dahabtouma, il a le masjid al-yom. Naqoun na'am. Toi, par exemple, tu dis la même phrase mais à deux sœurs. Dabtuna, là. Andek? Dabtuna. Attends, t'avais dit Dabtuma? Dabtuma, la même chose. Très bien, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tu nous informes sur deux sœurs à son parti? Deux sœurs à son parti? Ouais, tu nous informes sur elles. Dabata. Dabata. Dabata, là. Barakallahu fik. Taïb? طيب سيدي اليوم نبي كوا الفعل الماضي والفاعل طيب en ce qui concerne après le vers barakallahu fikoum avec naami bala on avait dit quoi ici on a dit que si on dit adhabta ila al madrasati on disait quoi naam dhahabtu mfhoum hadha idha kan al jawab muthbat. C'est-à-dire si c'est positif. Et si c'était négatif, on dirait quoi? Ma dahabtu. Le fomada, tout le monde, suivez-moi bien, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ama dahabtel al madrasati am taqul mada. In dahab taqul mada. Bala dahabtu. Le fomada, suivez bien. Ama dahabtel al masjid ou il al madrasa. Si tu as fait l'action, tu diras quoi? Bala. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit sur bala? Tenfi. T'as compris ça, Mohamed? T'as eu comme une mine. Mais si t'as pas été, tu diras quoi? Ah, kaza. Le fond mala. Après, on a parlé de quoi, barakallahu fikoum? Que le ma, s'il rentre dans le mavé, il n'y a pas besoin de le répéter. Suivez-moi bien. Le fond. Alors, à l'inverse du la. Le fond. Si toi, tu utilises la particule la, nafia, dans le mavé, tu seras obligé de le répéter. Par exemple, tu me demandes, hel, sharibta, ou akalta, kulda kamada. لا أكلت ولا شربت مفهوم وفي سورة القيامة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول فلا صدق ولا صلى مفهوم كرر الفعل في الماضي مفهوم هذا زي كومبري سا

le Coran et talib. Comment tu aurais lu ça, toi, Mohamed? Talib. Le fond de hada? Vous avez compris ça? Qui a pas compris? Vous voyez, pourquoi là? Il y a une karina, il y a un indice. Le fond? Par exemple, il y aurait Akala, Tufah, Mohamed. Comment tu l'aurais lu? Akala, Mohamed. Non, j'ai dit Akala, Tufah, Mohamed. Akala. Tufahata, il n'y a pas d'hésitation. La pomme ne peut pas manger un humain. Le fond, Akala, Tufahata, Mohamed. Vous avez compris ça? C'est pour ça que je dis quoi? La base, c'est verbe, sujet, COD. Hada wal as. Mais si demain vous vous retrouvez devant une chose d'exception, tu regardes s'il y a un indice. Le fond, voilà. Maintenant, il peut s'avérer que de temps en temps, il n'y a pas d'indice. Comme des prénoms comme Moussa, Issa. Vous suivez là? Par exemple, ça, Varaba, Moussa, Issa. Les voyelles, elles n'apparaissent pas. Huna tabqa ala al-asl. Ici, tu restes dans quoi? Le premier, c'est le sujet, et le troisième, c'est quoi? C'est le maf'ul bih. Maintenant, si le frère, il fait une ruse, tu lui fais les deux arabes. Tu dis Varaba Moussa Issa, tu dis Moussa fa'al si tu veux, et si tu veux Moussa, maf'ul bih. Vous avez compris ça? Mais sinon, al-asmawa, ils appellent ça al-kibas. À partir du moment où il peut y avoir confusion, tu mets quoi? Moussa, sujet, et Issa, maf'ul bih. Mais faut m'aider, Inch'Allah? طيب il reste une dernière chose, barakallahu fikoum. Al-maf'ul bi, il peut être quoi? Soit un ism zahir, comme on le voit là, par exemple, qara'a talibu al-qur'ana, ou qui peut être quoi? Un zamir. Par exemple, le frère Abdul Nadim dit hal qara'a al-qur'an, qu'allahu na'am qara'atuhu. Aïn al-maf'ul bi huna? Al-zamir. Le fond, akada? Hal ra'aita, par exemple, hal ra'aita zaydan? Na'am ra'aituhu. Le fond? C'est-à-dire, le maf'ul bi, imma ism zahir apparent comme Al-Qur'an ou un zamir. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Qui veut répéter pour qu'on rentre avant de rentrer dans l'exercice? Et c'est quoi le maf'ul bi? On a dit Mansoub. Pourquoi on ne dit pas une fatha? On le verra plus tard, il peut avoir le ya et ainsi de suite. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la phrase, il y a ba'd al-fi'l fa'il wa ba'd al-fa'il al-maf'ul bih. Na'am, al-fi'l wa al-fa'il thumma al-maf'ul bih. Hada wa al-asl. On a bien dit l'asl, ça veut dire on n'a pas dit que c'est une obligation. Car on verra plus tard, sans entendre, le maf'ul bih peut ça veut dire même précéder même le sujet et le verbe. Comme on a par exemple iya kana abudu. Ici, il est devant le verbe et le sujet. Le fond? Également quoi? C'est-à-dire le maf'ul bih, ça peut être un ism zahir ou un zamir. Mais faut mal un exemple ism zahir. Ism zahir. Kallam Allahu Musa. Très bien. Kallam Allahu Musa. Mais faut mal et un zamir. Par exemple, je te dis hal dahatta ila al masjid, tu diras Aliya. Et toi, bien sûr. La. Un zamir. Ma dahat. Ma. Ou par exemple, la maza habtuhu, là. C'est mieux de dire par exemple, hal ra'aita zayd, tu diras la ma ra'aituhu. Non, ma ra'aituhu. Taïb. Inch'Allah, j'ai rien oublié. Hein. Non. Il y a une chose, je vous la donnerai peut-être demain, Inch'Allah. Là, on va lire, Inch'Allah. Taïb. Comment? La ra'aitu wa la arifuhu. Par exemple, hada wa. Si tu réponds avec là encore, tu me dis hal ra'aita zayd. Aqulluk la ra'aitu wa la arifuhu. Voilà. Pour répondre encore à l'exercice de tout à l'heure. La ra'aitu wa la arifuhu. Mais si c'est avec ma ra'aituhu. Ça y est, bismillah, on lit les frères. Inch'Allah, j'ai en oublié. Aïn al-fa, taïb. Ta'amil al-amsila al-atiya. Ta'amil, ma ma'ana ta'amil, ya Mohamed. Ouais. Regardez attentivement. Inch'Allah, tout le monde l'a appris ce mot. Al-Qur'an, huna, il est marfou. Taïb. Alors, on a qara'a talibu al-Qur'an. Taïb. Fi'l. Fa'il wa maf'ul bi. Kataba al-mudarrisu al-darsa. Taïb. Al-qahwa. Shariba al-dayf al-qahwata. Taïb. Fatahat aminatu al-baba. Inch'Allah, tout le monde a compris. Hein? Taïb. عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به